Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Il était une fois un homme qui avait tant d'amour pour une femme qu'il ne pouvait vivre sans elle. L'homme, un photographe français du nom de Roland Michaud, rencontra Sabrina, née au Maroc, dans les années 1950. Ils commencèrent leur vie ensemble en parcourant les terres mythiques de l'Orient pour découvrir et documenter les merveilles qu'ils y trouvaient. En voiture ou à cheval, par bateau ou à pied, parcourant les paysages spectaculaires de l'Orient et témoignant de ses charmes. L'histoire n'est pas finie. Roland et Sabrina nous racontent la suite. Alors effectivement, dans notre cas, il s'agit bien de voyage. Mais pour voyager, il faut quand même avoir quelques moyens. Donc il fallait trouver un moyen. Et comme on s'intéressait un peu à la photo, on a dit on va essayer la photo. Mais à l'époque, toutes les enquêtes que nous avons faites étaient concluantes. Mais non, si vous ne savez pas photographier, faire des photos de mode, de sport, industriel, vous ne pouvez pas vivre de vos photos de voyage. Et la personne qui nous disait ça, des directeurs d'agence, avait raison. Mais nous avons prouvé le contraire parce que nous avons quand même voulu voir de par nous-mêmes. Quand on dit à l'époque, on est quand là un peu les années 60. Donc en 60, nous sommes partis pour une première expédition test en Éthiopie, pays à l'époque très très peu connu. Et nous sommes revenus, on avait prévu un budget de 6 mois et on est resté 17 mois. Parce que nous avons commencé à comprendre qu'il fallait un certain temps pour ramener un matériel valable. Pays montagneux, nous avions une deux chevaux qui était la plus lente de chevaux de sa vie. Vous étiez parti de France en deux chevaux ? Ah oui. Et alors, vous savez ce qui se passait ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé tout le temps la deux chevaux. Voilà. Alors moi, j'en ai pas un aussi bon souvenir, mais le voyage était formidable. Mais comment ? Donc c'était le premier grand voyage, c'est-à-dire qu'on dormait dans la voiture. Enfin, on a fait ça avec des petits moyens. Mais c'était important de voir quand même si en rentrant, j'étais prof d'anglais, mais pas titulaire. Donc je continuais mon métier de prof et on a commencé. Et on nous a dit, ah ben oui, vos photos sont intéressantes, mais il faut aussi un article. Alors on a dit, mais nous on n'a pas du tout. Ah non, si vous... Votre repas de Lyon, là, au Tanganyika, c'est bien, mais il faut un texte. Bon, ben, on va essayer d'écrire un texte. Donc, on s'est un petit peu lancé, et en travaillant très dur, c'est-à-dire que la formule d'un certain Sarkozy, qui n'existait pas à l'époque, a été pour nous la réalité. Travailler plus pour gagner plus. Donc, avec une paye de professeur, les petits cours à Janson de Sailly, les cours particuliers que je donnais, nos premiers articles dans la presse avec photos, et Sabrina qui faisait toute espèce de travaux, vendeuse, etc., qui n'avait pas de spécialité, nous avons réuni quatre payes de petits Français. Et ces quatre payes nous ont permis d'équiper un petit 4x4 autrichien, et nous avons dit, là on a commencé à comprendre, il faut faire un grand coup, il faut voir vraiment ce qu'il y a d'intéressant. Et nous avons relié Paris à Singapour et retour en 4 ans et demi, c'est-à-dire pendant 4 ans et demi, sans rentrer en France, avec un budget d'un an, nous avons tenu 4 ans et demi. Grâce à quoi ? À l'hospitalité fantastique des gens qui étaient contents d'avoir des visites, de gens qui n'étaient pas pressés et de raconter leurs histoires et tout ça. Et tout ça. Donc ce voyage fondateur nous a permis de comprendre quelques règles de base. La première, la plus importante, est on ne peut rien rapporter si nous ne prenons pas le temps de connaître les gens, d'entrer dans leur intimité. Parce qu'il nous intéressait, c'était d'essayer de comprendre d'autres cultures. Et ça a été tellement important qu'après ces 4 ans et demi, ça a commencé à marcher tout doucement, nous avons décidé de revenir constamment sur nos pas, parce que là, on avait remarqué, tiens, ça ferait peut-être un sujet, etc. Donc, notre parcours, ça a été uniquement l'Asie continentale. Nous n'avons même pas été au Japon, parce qu'il y avait tellement à faire en Turquie, en Iran, en Afghanistan, le pays de nos rêves, le pays exceptionnel. Et puis l'Inde, nous fréquentons l'Inde depuis plus de 50 ans. Et c'est un pays qui... C'est infini. En fait, ce que j'entends dans votre histoire, c'est une envie de vivre de rencontres incroyables et donc de trouver un moyen de rendre cette vie possible. Et c'est la photo et l'écriture qui est venue à vous pour rendre cette vie possible. Alors, si vous voulez, c'est notre privilège, c'est cette chance extraordinaire que nous avons pu vivre par un métier passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 85 ans, il n'y a pas de retraite, on continue. D'abord parce qu'il faut survivre, et puis parce qu'on a la passion de la découverte. Donc on a après étendu un peu, et quand la Chine s'est ouverte, on a dit qu'il faudrait quand même ajouter une autre grande culture, parce que nous sommes passionnés par ce que nous appelons le dialogue des civilisations. Qui a influencé l'Inde ou la Chine, le départ du yoga, toutes ces choses nous ont passionnés et continuent à nous passionner. Donc nous avons ce que nous appelons notre triptyque, Islam, Inde et Chine, avec des à côté, puisque nous avons été en Corée et en Mongolie, on a toujours un peu enrichi, mais nous nous sommes contentés de l'Asie et c'était presque trop, parce que la Chine c'est aussi un monde qu'on ne déguste pas en 2 ou 3 mois ou en 2 ou 3 ans. Donc voilà, et l'un de nos thèmes favoris, parce qu'on nous disait toujours, mais vous nous montrez des photos, c'est pas ce qu'on voit actuellement en Inde et en Chine. Il faut creuser un peu. Donc pour creuser, il faut du temps. Et nous avons voulu faire un peu la preuve que tout ce qui nous passionnait existait encore. Et nous avons fait ce que nous appelons nos miroirs, un jeu de comparaison entre l'art visuel de ces civilisations, peinture, sculpture, art populaire, tout, avec nos photos. Et nous essayons de prendre des photos qui correspondaient à des choses qui existent encore, en partant parfois de la peinture et parfois le contraire. Nous faisions une bonne photo en disant « on va bien trouver ». Et ça nous a rapprochés terriblement de ces cultures, parce que nous nous sentons très proches des peintres et des sculpteurs, forcément. Et c'est une aventure passionnante. Donc on pourrait résumer notre travail avec ce triptyque Islam and Chine, où nous avons fait 3 miroirs, dont celui-ci, le dernier, la Chine, est le seul qui soit en vente actuellement. Les autres sont épuisés. Et nous nous considérons comme de grands privilégiés. Mais bien sûr, il faut avoir cette curiosité de l'autre. Cette passion pour la vie. Oui, j'ai une passion pour la vie. Et évidemment, nous ne comprenons pas qu'à une époque où les moyens de communication sont si faciles, on parle de mondialisation, mais en fait, malheureusement, cette mondialisation se fait surtout au plan économique, mais au plan culturel, nous avons tout à partager. Les musiques, la peinture, c'est un art universel. Hein. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Mais la mondialisation, c'est intéressant. On va s'intéresser un peu à ce thème-là. Donc c'est presque une vie sur la route, en fait. Quand j'écoute votre récit, c'est vraiment une vie sur... 25 ans, 25 années sur les routes pour 57 années de mariage. Donc, presque la moitié. Donc vous avez vu aussi cette globalisation, cette mondialisation, cette uniformisation. Oui, si vous voulez, elle nous gêne parce qu'elle elle n'a rien à voir avec la culture de ces gens. Moi, quand je vois au fin fond de la Chine, dans les rizières, un paysan qui sort son portable et tout, je me demande qu'est-ce qu'il raconte s'il demande à son épouse si la soupe est prête, s'il peut rentrer. Si vous voulez, ça reste quelque chose d'extérieur à la culture, cet échange, à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour faire connaître l'autre. Mais nous, nous savons que l'autre, il a aussi que deux yeux et un cœur. Donc, nous sommes proches, par définition. Et nous allons insister sur les ressemblances. Nous allons oblitérer les différences et dire, on va trouver des points communs. Et je peux vous assurer, le plus honnêtement possible, que c'est une aventure passionnante. Alors moi, vous comprenez, vous dire que j'ai rencontré Jésus dans des foules indiennes ou pakistanaises, ça paraît comme ça un peu gros, mais si j'ai la bonne photo de ce Jésus et que d'autres voient aussi que c'est Jésus, parce que Jésus, on l'a peint de 36 000 formes, mais on sait reconnaître que c'est Jésus, que ce soit une peinture flamande ou toscane. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, le Bouddha, il est ailleurs aussi. Il n'est pas qu'en Inde, au Népal, etc. Et la Madone, elle est aussi en Chine. Vous voyez, tout ça. Donc, ce dialogue-là, c'est très intéressant. Mais bon, gros travail, bien sûr. Sur le premier voyage, donc quand vous êtes parti de France avec la deux chevaux pour aller en Éthiopie, est-ce que vous saviez que votre vie allait devenir une vie de voyageur sur les routes, dans la photo et l'écriture ? C'était, on avait le désir de réussir, c'était important. C'est-à-dire que, pas tellement en Éthiopie, parce qu'on était vraiment des débutants, mais dans le deuxième voyage, la grande traversée de l'Asie, je me disais tous les jours, mais dis donc, tu t'es promis quand tu baladais des enfants, parce que j'ai été pion d'internat pour gagner, pour faire mes études, tout ça, j'ai dû payer de ma personne, comme tout le monde. Et je me disais, mais quand même, mes dimanches sont gâchés parce que je dois aller faire balader. Voilà. Et j'ai dit, un jour, si tu peux être libre, qu'est-ce que tu apprécieras ? Et en traversant l'Asie, chaque jour était un dimanche, même si il y avait des problèmes, la voiture pouvait aussi, c'est arrivé à être en panne, on pouvait avoir quelques problèmes de maladie, mais ça a bien fonctionné. Et c'est ça ce qui fait qu'on se sent vivant aussi, le voyage et le fait de faire face à certains problèmes. Ah oui, c'est... voilà, chaque jour, chaque matin du monde est le plus beau matin du monde, et la surprise, vous voyez, même en France, quand il nous arrive soir d'avoir une visite, je dis, vous savez, moi c'est formidable, je ne savais pas que ce soir j'allais dîner avec vous ou avec toi, vous voyez, on retrouve des gens comme ça. Et ici, dans ce bivouac là, je retrouve un ami rencontré il y a plus de 40 ans au Pakistan, qui a acheminé pour nous ce qui était le plus précieux, les pellicules photos que nous confions petit à petit à toute espèce de voyageur-visiteur. Et ce monsieur nous a contactés il y a quelques années seulement, pendant plusieurs décennies. Et on est rentré en relation, et là, il habite à côté. Il est venu, et c'était formidable. On ne se connaissait pas, on ne pouvait pas se reconnaître. On s'est vu une soirée à Lahore. C'est magique. C'est magique. Il nous dit, vous attendiez que les eaux se retirent, parce que c'était la mousson. La Ravi, qui est la rivière qui passe là, était en crue, et nous, on attendait dans notre petite voiture que les eaux se retirent. Et il y avait ce monsieur qu'on retrouve le soir et qui nous dit, vous m'avez confié dans du papier journal la prunelle de vos yeux. Et je vous remercie de cette confiance. Et moi, à mon tour, quand on a reçu cette lettre, j'ai dit, mais vous inversez les choses. C'est nous qui devons vous remercier d'avoir acheminé proprement ces pellicules. Alors vous voyez, c'est ce que j'appelle le jeu du miroir. Je retrouve des gens qui comprennent exactement ce que j'aimerais faire, ce que je ressens, ce que j'essaye de faire. Mais ce n'est pas facile. Mais nous avons fait notre choix et nous l'assumons. For I know one thing. Love comes on its wing. For tonight I will be by your side. But tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. I know just one thing, love comes only when, and tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I may be by your side, but tomorrow I will fly. J'oublie de dire, capital, d'avoir une épouse qui a joué le jeu, qui est partie de loin, parce que quand nous sommes partis en voyage, son anglais d'écolière n'était pas fameux. Elle a compris qu'il fallait parler l'anglais. Elle s'y est mise, comme tout le monde. Et elle est devenue compagne. Elle partage l'écriture. Elle partage la photo. Et par humilité, nous ne signons pas Roland ou Sabrina. Nous signons les Michauds. Personne ne sait qui a qui. Mais nous avons la chance d'avoir, de porter un regard identique sur les êtres et les choses. Et si vous voulez, c'est un atout majeur, parce que quand vous êtes au fin fond des Indes, dans des moments difficiles, et que vous avez peut-être quand même un peu envie, dira quand même, je serai tranquille à la maison, vous n'avez pas besoin de rentrer à la maison. Votre épouse est avec vous, la maison, il faut la créer, dans le moindre bungalow. Alors on va donner la parole un petit peu à Sabrina, parce que ça va équilibrer cette interview d'avoir une voix un peu féminine. C'est vrai que c'est génial de pouvoir vivre ça en couple. Ah oui, je me suis finalement très attachée au voyage, et quand nous sommes rentrés 4 ans et demi après, je regrettais beaucoup d'avoir abandonné ce temps-là. Mais vous saviez en rencontrant Roland que vous alliez avoir une vie de voyageur comme ça ? Pas du tout. La première fois que je l'ai rencontré, sa première question a été « Aimez-vous les voyages ?» J'ai dit oui, et je ne savais pas où ça m'entraînait. Voilà. En chantant, c'est... C'était quand la première fois que vous êtes parti ? Donc ça a commencé quand, toute cette aventure sur les routes ? C'était en 60. Oui, c'est en 60, l'Éthiopie, le plus passionnant, mais aussi le plus difficile, parce que j'avais tout le temps à pousser la voiture. Voilà. Alors là, sur le stand, on a plusieurs choses devant nous. Est-ce que peut-être Sabrina peut prendre un des ouvrages ? J'ai envie de m'en parler. Celui-là, Roland. Pierre, en librairie. C'est notre plus important, c'est notre monographie, c'est-à-dire le résumé du meilleur de nos grands reportages. Donc nous racontons un peu notre vie, là. Les textes sont importants et il y a quand même plus de 300 photos aussi. C'est un livre clé pour nous. Donc là, ça retrace un petit peu toute l'aventure de la famille Michaud. Moi, je dis que c'est le livre de nos noces de diamants. Parce que bientôt, dans 2 ans, ça sera 60 ans de terrain. Ouais, on va l'ouvrir et peut-être partager, essayer de recréer une dimension visuelle pour l'auditeur, celui qui écoute. Si Roland ne savait pas, quand il a été photographié là, qu'il serait voyageur, et il ne savait pas pourquoi on lui avait mis un cerceau entre les mains. Est-ce que c'était une façon ou est-ce que c'était juste mon jouet ? Et puis nous passons à la bicyclette, donc de la roue à 4. Et puis je pars, alors ça c'est ma découverte, la révélation s'est faite pour mon baccalauréat. En tant que petit provincial, j'avais convaincu mes parents de me laisser partir, si je réussissais au bac à bicyclette, en Scandinavie, où je correspondais avec une Suédoise et en Hollande avec une Hollandaise, etc. Et j'ai réussi au bac, j'ai donc eu mon cadeau, une belle bicyclette, que mon père m'avait adapté pour le cyclotourisme. Et je suis parti, et les nuits à la Belle Étoile, une découverte. La première nuit où j'ai couché dans un petit chemin, à 100 mètres de la route pour être tranquille, aucune expérience, tout d'un coup je suis réveillé en sursaut, je dis qu'est-ce qui arrive ? C'était un lapin qui passait sur mon sac de couchage. Donc j'ai découvert que j'étais curieux des autres, que j'aimais bien sûr la nature. Et ce voyage de 85 jours a été, disons, l'ouverture. Je suis rentré de Narvik en Norvège en payant ma traversée sur un bateau, en peignant les bastingages du bateau comme working passenger. Et bon, j'avais le mal de mer, mais bon, ça fait rien. J'étais, vous savez, quand on a la motivation, on n'a pas de mérite. Le mérite, ce serait de rester professeur si on n'en a pas envie. Là, il y aurait un mérite. Mais au fond, nous avons fait ce que nous avions envie de faire. Mais il y a eu des surprises, bonnes et mauvaises, bien entendu. Ce que je trouve fantastique dans votre histoire, c'est que vous êtes sur la route depuis des années et des années, donc vous avez pu voir l'évolution aussi du voyage et des voyageurs. Est-ce que Sabrina, tu pourrais m'en parler un petit peu ? Alors, ce qui nous attriste beaucoup, c'est l'évolution de l'Afghanistan, où nous avons quand même, pendant 14 ans, travaillé avant 78, avant l'entrée des Russes, et de savoir que ce pays est en train, d'une certaine façon, de mourir, de se dilapider, ça nous fait très mal. Parce que les djihadistes ont choisi de supprimer les récoltes pour faire pousser les coquelicots et fabriquer l'opium avec des usines sur place pour en faire tout de suite des narcotiques, en fait. Et ça, les Afghans eux-mêmes ont fini par en consommer. Donc c'est terrible. J'imagine que beaucoup de pays traversés et retraversés à plusieurs reprises se transforment d'une manière incroyablement rapide. Oui, mais ça dépend du pays. Parce que, par exemple, l'un des pays mères, vraiment, c'est l'Inde. Et en Inde, on retrouve tout l'univers. Et on se ressource en Inde. Donc c'est assez extraordinaire pour moi. Le premier pays, c'est l'Inde et ensuite l'Afghanistan. Et l'Inde est un pays où c'est féminin, là, c'est la femme qui compte. Et pour Roland, c'est l'Afghanistan où c'est l'homme, au contraire. Et donc on arrive à concilier finalement nos deux... Je vois Roland qui lève la main patiemment comme un écolier pour dire « Moi, je veux parler. » L'ancien prof qui joue à l'écolier. Non, je voudrais dire quand même, ajouter quelque chose au sujet de l'Afghanistan. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Et je voulais dire que l'Afghanistan nous a aussi évidemment beaucoup apporté. Je voudrais dire quand même que malgré les événements terribles qui se déroulent en Afghanistan depuis 30 ans, et nous ne sommes pas retournés, nous n'avons pas eu le courage. On a connu quelque chose de tellement extraordinaire. On a eu des amis en prison, on a eu toute espèce de choses. Notre photo, si on devait choisir une photo pour illustrer notre travail, la photo à laquelle nous sommes le plus attachés, c'est un Afghan qui respire une rose. J'ajoute qu'il y a plusieurs Afghans dans le livre qui respirent des roses. Ce n'était pas un geste exceptionnel. À la saison des roses, dans les bazars, les marchands s'arrêtaient un moment de travailler pour respirer une petite rose. Et c'était pour nous une leçon de vie. Comment, nous, est-ce que nous savons respirer une fleur ? Est-ce que nous avons le temps ? Vous voyez, c'est une situation qui m'a interpellé. Et cet homme à la rose, cet Afghan à la rose, c'est un symbole. Et pour moi, il est immortel. Parce que Tout peut arriver, mais la rose est toujours là et il y aura toujours des Afghans. C'est un moment difficile. Nous, on a eu notre guerre de 100 ans. En ce moment, ils en sont à 30. Ça va peut-être s'arrêter, mais ils finiront par comprendre. Mais quelle civilisation, quelle subtilité. Je me suis senti en Afghanistan un barbare. C'est l'Afghanistan qui m'a rendu un peu plus subtil dans ma compréhension du monde. Donc, nous leur devons beaucoup. Très belle leçon d'humanité, merci Roland. Pour terminer, j'aimerais revenir sur les changements. Qu'est-ce qui a changé sur la route ? Quelle est la différence entre voyager avant et voyager aujourd'hui ? Eh bien, si vous voulez, le voyage devient banal parce que on trouve tout sur les écrans. Alors les gens, bon, pourquoi aller sur place ? Et les gens sont un peu blasés, ils ont tout vu, ils l'ont vu en images. Mais la réalité, c'est autre chose. Heureusement, on n'a pas encore, on saisit pas encore les odeurs, les saveurs. Hein, et nous, moi j'ai des saveurs quand je veux penser à un bazar afghan ou marocain, je retrouve le goût des brochettes ou le parfum du bois de cèdre dans le souk des menuisiers. Ça, c'est très important. Et rien ne peut remplacer le voyage, mais il ne faut pas banaliser. Et notre société ne fait que banaliser. Je suis photographe, je savais faire plaisir dans des familles où on n'avait pas la possibilité de photographier les enfants en photographiant les enfants. C'était un cadeau merveilleux pour ces gens qui nous avaient reçus. Aujourd'hui, ça ne rime plus à rien. Tout le monde peut photographier. Bon, j'ai rien contre, mais je veux dire, voyez, c'est voilà, les photos, nous avons été les chercher. Et en plus, nous avons compris qu'il fallait qu'elles nous soient offertes. Parce que si la personne que vous photographiez ne comprend pas, n'est pas d'accord, ne ressent pas, ça ne va pas. N'oubliez pas que magie, c'est l'anagramme de... image. Image et magie, même nombre de lettres, mais dans un ordre différent. J'ai envie de demander un conseil, Roland. On parle de banalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une surconsommation, dans une boulimie, consumérisme. On a accès à tout dans tous les domaines. Et l'homme est en train de se reposer des questions sur son intériorité. De plus en plus, on est dans cette recherche de sens dans sa vie. On se rend bien compte que, ben non, le modèle économique qu'on applique dans son quotidien n'est peut-être pas forcément celui qui va nourrir l'être intérieur de chaque homme sur Terre. Comment est-ce que tout ça va avancer ? Comment est-ce que tout ça va évoluer ? Ah ben nous sommes très tristes parce que nous, pour être cohérents avec notre expérience, pour être cohérents avec ce que nous avons appris en Asie, en termes de art de vivre, recherche de sagesse, recherche d'un absolu, mais bon, pour être cohérents avec ce que nous avons appris, il nous a fallu tout de suite renoncer à l'Internet, renoncer au email, renoncer au portable. Et c'est difficile, je vous assure que c'est difficile. Nous en souffrons pour l'instant, nous tenons le coup, parce que nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui nous aide à favoriser, à développer notre mémoire, nos souvenirs. Nous sommes complètement opposés à cela, tout en reconnaissant la magie et le côté pratique. Mais les gens me disent toujours, c'est plus pratique. Et je leur demande, mais est-ce que la vie, c'est quelque chose de pratique ? Nous savons pourquoi nous sommes venus, pourquoi nous partons, nous ne choisissons pas. Bref, ce qui me surprend, pour être positif, c'est que par exemple, sur un stand comme ici, je rencontre des gens que je n'ai jamais vus, qui connaissent notre travail depuis des années. Et ce qu'ils me disent, c'est exactement mon ressenti. Je leur dis, mais monsieur, je leur serre la main, vous êtes exactement le miroir que je cherche constamment. Et ça, c'est formidable. Mais c'est un petit nombre. Les gens ne comprennent pas, ne sentent pas le danger de ces instruments qu'ils ont là. Il faut les maîtriser. Comment voulez-vous qu'un jeune maîtrise un enfant qui commence à 4-5 ans? Voilà. Merci beaucoup, Roland. Merci. Merci à vous pour votre oreille attentive. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs.